Carole Mag, numéro 284, janvier 2025. 1. Sommaire. 2. Édito. 3. À la une. Budget 2025, un programme rigoureux mais ambitieux. 4. Actualité. Retour en images, le marché de Noël. Budget participatif, les projets élus. Le déploiement des journaux électroniques progresse. Le projet architectural de la Massérienne dévoilé. Pôle international de la marionnette Jacques Félix. Circulation, quand respect rime avec civilité. Recensement de la population 2025. La flèche de Mézières va retrouver sa splendeur. CCAS, senior, bienvenue au club. 5. Rendez-vous. Plein sens, le festival jeune public. Les nuits de la lecture reviennent. Concert du Nouvel An. Nouvelle présentation au musée Arthur Rimbaud. Inscrivez vos enfants pour la rentrée 2025. Humour et handicap au forum. 6. Info pratique. La circulation autour du théâtre modifiée. Viabilité, distribution de sel au Carolo. Une seconde vie pour vos sapins. 7. Agenda. Les dates à ne pas manquer. 8. Sport. Les flammes. Que l'année 2025 soit enflammée. L'OCPEAM doit maintenir le cap. Le Rimbaud City Trail fait son retour. Agenda sportif. 9. Histoire. Du coq chantant au Mont Olympe par la culbute, une histoire de passerelle. 10. Expression politique. Libre expression des groupes politiques. 11. Le MAG d'Ardennes Métropole. De Édito. Édito par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières et président d'Ardennes Métropole. Excellente année. Ne détenant aucune boule de cristal, je me garderai bien de tenter de prédire ce qui nous attend pour l'année qui s'ouvre. Et bonne chance à ceux qui vont s'y risquer, compte tenu des incertitudes de tout ordre qui se multiplient. À défaut, je peux vous promettre une chose. Durant les 12 mois qui viennent, avec l'aide de l'ensemble de l'équipe municipale, nous allons continuer à travailler avec constance pour poursuivre le redressement de notre ville. Nous allons persévérer. Exemple concret avec la reconquête de deux friches emblématiques, toutes deux situées au cœur de notre cité, l'une à Mézières et l'autre à Charleville. Du côté de la Massérienne, en effet, les choses se précisent. Nous savons désormais ce que nous allons y créer, avec quels partenaires et à quel coût. Pour rappel, ce projet à la fois ambitieux et réaliste consiste à transformer cette ancienne usine en un pôle d'attractivité ouvert toute l'année et mêlant hébergement, restauration, développement durable, activités touristiques, culturelles ou commerciales. Le tout en mettant en valeur le riche patrimoine bâti existant. À Charleville, c'est la friche de ville qui s'apprête à revivre. Depuis plusieurs mois maintenant, à l'abri des regards, des travaux d'importance s'y déroulent dans le but de préparer l'implantation sur place d'une maroquinerie créée par le groupe Hermès. Avec près de 300 créations d'emplois à la clé et là aussi le respect scrupuleux des richesses patrimoniales de cet ancien fleuron industriel. Bref, en dépit des crises et des aléas de toute nature, notre ville avance. C'est donc avec détermination que je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2025. Excellente année à toutes et à tous. Trois, à la une. Interview. Un budget 2025 rigoureux mais ambitieux. 24 millions d'euros, c'est la somme record que la ville prévoit d'investir en 2025. Au programme, la poursuite des travaux liés à la transition énergétique, mais également un gros effort côté équipement sportif. La parole à Boris Ravignon. Monsieur le maire, dans quelles conditions ce budget a-t-il été bâti ? Des conditions difficiles, avec un contexte d'incertitude et de complications que je n'avais jamais connu, même avec les crises récentes, qu'elles soient liées au Covid ou à l'inflation. Je rappelle que ce budget 2025 a été construit alors que le flou le plus total régnait au niveau de l'État. Mais cela ne nous a pas découragés, et nous sommes parvenus à dégager plus de 24 millions d'euros qui vont nous permettre d'investir, de construire, d'aménager, de rénover, de continuer à faire avancer notre ville. 24 millions, c'est une somme. À quoi doivent s'attendre les contribuables carolo-massériens ? À ce que je respecte mes engagements. Contrairement aux mauvaises habitudes d'avant 2014, je n'ai jamais augmenté les taux des impôts locaux de la commune. Je les ai même diminués de 10%. Sur ces 10 dernières années, cela représente 28 millions d'euros que la ville n'a pas pioché dans le portefeuille des Carolo-Masseriens. Pas d'augmentation des impôts, un contexte difficile, quelle est la bonne recette? La rigueur. Veillez à ce que chaque euro dépensé le soit à bon escient. Et nous y parvenons sans sacrifier aucune politique publique, contrairement à certaines autres collectivités, ni ceux chargés de les mettre en œuvre, les agents de la ville. Nos dépenses de personnel vont augmenter. Donc rigueur d'un côté, mais ambition de l'autre. Nous allons continuer à investir massivement pour réduire notre facture énergétique. La modernisation de l'éclairage public va se traduire par une baisse de 82% de sa consommation. 8,5 millions vont également être consacrés à la rénovation des équipements sportifs de la Ronde Couture ou de la Varenne, 2,3 millions aux travaux de transformation de la passerelle Bayard, 800 000 euros à la consolidation du clocher de la basilique de Mézières. Rigoureux mais ambitieux, ce sont les deux caractéristiques principales de ce budget 2025. En chiffres, budget général, 98,11 millions d'euros. Dépenses de fonctionnement, 65,75 millions d'euros. Dépenses d'investissement, 32,36 millions d'euros. Actualité. Budget participatif. Les projets élus. Comme chaque année, la ville a donné la parole aux habitants dans le cadre du budget participatif. Le principe, leur permettre d'exprimer leurs envies pour améliorer la ville, leur secteur ou la vie des habitants. À l'issue de cet appel à projet, plus de 130 propositions ont été déposées sur la plateforme dédiée. Les idées sont ensuite passées à la moulinette du service démocratie participative afin d'en contrôler la faisabilité technique ou financière. Certains projets ayant été traités par les services municipaux, près de 50 idées sont restées en lice et ont été soumises au vote des Carolo-Masseriens du 16 novembre au 14 décembre 2024. Suite au dépouillement, 18 projets ont été retenus. Zoom sur les 3 propositions qui ont recueilli le plus de suffrages. Médaille d'or pour le projet Marché de Noël, place de l'Hôtel de Ville, dans le secteur 3. Médaille d'argent pour le projet Parcours de santé au lac de la Varenne, secteur 1. Et enfin, médaille de bronze pour le projet Plantation d'arbres au cimetière Bouté, dans le secteur 2. Découvrez les 15 autres projets, secteur par secteur. Dans le secteur 1, Manchester, Saint-Julien, Bois d'Amour. Animation sur Manchester et biodiversité, jardinage pour les écoles. Le secteur 2, la Houillère, la Bosse d'Étion, Étion, le Clopole, la Havetière, la Villette, les Coteaux de Belair, Étion Village, Bellevue du Nord, les Atriums, bénéficiera d'une aire de jeu au Clopole et d'un récupérateur d'eau de pluie. La promenade de Dulmen, située dans le secteur 3, Mézières, Basilique, la Citadelle, Arche, le Teux, Faubourg de Pierre, profitera d'un projet d'aménagement de la plateforme et de plantation d'arbres. Du côté du secteur 4, Charleville-Centre, Nevers, Place Ducale, Mont-Saint-Pierre, Mont-Olympe, embellissement du pont des deux villes, réhabilitation de la place Churchill et aménagement de jardins partagés. Des bancs seront installés dans le secteur 5, la Ronde Couture, la Croisette, Mohon, Bois-Fortan, les Granges Moulues, Couronne-Champagne, aux abords de la Voie Verte et dans le quartier de Mohon. Enfin, tout secteur, un forum des associations, implantation d'un parc à chiens, cendrier pédagogique mégomalin, mise en place d'ateliers de prévention routière et design actif avec radar à jogger. Bravo à tous et rendez-vous pour la mise en œuvre de vos idées et le nouvel appel à projet 2025. Merci aux membres des assemblées des habitants pour leur implication et aux Carolo-Masseriens qui se sont déplacés ou ont voté en ligne, vous étiez 4 fois plus nombreux cette année. Plus d'informations au 03 24 32 41 91. Communication. Le déploiement des journaux électroniques progresse. Charleville-Mézières continue le déploiement des 10 journaux électroniques d'information, une solution moderne pour tenir les habitants informés en temps réel, point sur leur installation. Les journaux électroniques permettent de renforcer la communication locale en diffusant actualités municipales, événements ou alertes. 4 écrans sont déjà opérationnels à des emplacements clés, place Nevers, avenue Carnot, square de la Gare et rue de Berthaucourt. 4 autres sont en cours de mise en service, place des Droits de l'Homme, place de Mohon, avenue de Saint-Julien et route de la Francheville. Les 2 derniers seront installés en 2025 sur la place de l'Hôtel de Ville et à la sortie de la voie rapide, complétant ainsi le réseau pour une diffusion optimale des informations sur l'ensemble du territoire. Pour faire apparaître votre événement sur les journaux, remplissez le formulaire disponible sur notre site internet www.charleville-mézières.fr, rubrique « Démarches en ligne ». Attractivité. Le projet architectural de la Massérienne dévoilé par Ardennes Métropole. Mettre en valeur un patrimoine inscrit au monument historique tout en l'aménageant pour qu'il réponde aux attentes de ses futurs utilisateurs, c'est pour Ardennes Métropole tout l'enjeu de la réhabilitation de la friche de la Massérienne. C'est un cabinet lillois, l'atelier 9.81, qui va avoir l'honneur de réaménager les bâtiments de la Massérienne sur le site qui accueille chaque année les festivaliers du Cabaret Vert. Un projet exaltant car complexe, il s'agit de leur permettre d'accueillir dans les meilleures conditions les différentes activités qui vont faire de la Massérienne un pôle d'attractivité. Restauration, commerce, hébergement, diffusion culturelle, apprentissage professionnel, développement durable, tourisme, tout en respectant ces anciens ateliers protégés par leur inscription au monument historique. Ce projet architectural qui se veut démonstrateur des ambitions environnementales qu'il portera a été dévoilé il y a peu. Pour en prendre connaissance, consultez le Magaglo. Marionnette. Pôle international de la marionnette, Jacques Félix. Depuis le 1er janvier 2025, les deux associations phares des arts de la marionnette à Charleville-Mézières, les Petits Comédiens de Chiffon et l'Institut international de la marionnette, sont devenues une seule et même entité, le Pôle international de la marionnette, Jacques Félix. Petit rappel pour présenter les acteurs de cette fusion. Les Petits Comédiens de Chiffon forment une compagnie artistique fondée en 1948 par Jacques Félix autour des arts de la marionnette. C'est aujourd'hui la structure porteuse du Festival mondial des théâtres de marionnettes dont la prochaine édition se tiendra du 19 au 28 septembre 2025. L'Institut international de la marionnette, également créé par Jacques Félix en 1981, a quant à lui été pensé comme un lieu de rencontre, de réflexion et de formation aux arts de la marionnette au service des artistes et chercheurs du monde entier. À cet effet, il s'est doté d'une école unique au monde, l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, Margareta Nikus-Lécu, SNAM, située 16 avenue Jean Jaurès. Une ambition nouvelle. La cohabitation à Charleville-Mézières de ces deux structures motrices a incité leurs différents partenaires, ministère de la Culture, Région Grand Est, Département des Ardennes, Ardennes Métropole et la ville de Charleville-Mézières, a proposé aux Petits Comédiens de Chiffon et à l'Institut international de la marionnette de se réunir en un seul établissement. Au 1er janvier 2025, grâce au dialogue de leurs administrateurs respectifs et au travail de la direction déjà commune, Pierre-Yves Charlois, directeur, et Gauthier Bazel, directeur adjoint, les deux associations sont donc devenues une seule et même entité, le Pôle international de la marionnette Jacques Félix, dont le siège social est situé 7 place Winston Churchill. Cette création doit se traduire par le prolongement et l'amplification des projets et par des actions nouvelles au service des arts de la marionnette et du territoire. Un nom naturel est choisi avec soin. De même que l'ESNAM avait rendu hommage en 2021 à sa fondatrice Margareta Niculescu, c'est pour saluer la mémoire vivante de celui par qui la marionnette a commencé à Charleville-Mézières que le nom Jacques Félix a tout naturellement été donné au nouveau pôle international de la marionnette. Frédéric Morin, son président, pourra s'appuyer sur l'expertise des vice-présidents Géraud Spire et Philippe Choulet, anciens présidents de l'Institut international de la marionnette et des Petits Comédiens de Chiffon, pour faire de ce nouveau pôle une institution majeure du paysage culturel de demain. Plus d'informations sur www.marionnette.com. Circulation. Quand respect rime avec civilité. Trop souvent méconnu ou mal appliqué, le stationnement unilatéral alterné est pourtant essentiel pour le bon partage de l'espace public. Bien que progressivement voué à disparaître à Charleville-Mézières, un rappel des règles à suivre reste utile. Depuis la mise en œuvre du schéma des mobilités, le nombre de rues concernées par le stationnement unilatéral alterné ne cesse de diminuer. En attendant leur suppression totale, les automobilistes stationnant dans ce type de rue doivent du 1er au 15 du mois stationner leur véhicule du côté des numéros impairs et du 16 au dernier jour passer du côté des numéros pairs. Ces changements doivent impérativement être effectués les 15 et 31 entre 20h30 et 21h. Pourquoi cette règle ? Elle préserve les trottoirs pour les piétons, facilite le passage des véhicules de nettoyage et limite les nuisances liées au stationnement anarchique. En réduisant la largeur des voies, elle contribue aussi à ralentir la circulation, rendant nos rues plus sûres. Un effort collectif. Pour que ce dispositif fonctionne, chacun doit y mettre du sien. Respecter ces règles, c'est éviter des désagréments pour les riverains, mais aussi des sanctions pouvant aller jusqu'à 135€ pour un stationnement gênant. Soyons tous vigilants pour une ville plus agréable. Mobilité partagée à Charleville-Mézières, renforcer la cohabitation. La ville poursuit son engagement en faveur d'une cohabitation apaisée entre cyclistes et automobilistes. Par des aménagements adaptés et une sensibilisation aux bonnes pratiques, la municipalité œuvre pour la sécurité de tous les usagers. Avec l'essor du vélo comme mode de transport quotidien, les infrastructures de la ville ont dû s'adapter. Aujourd'hui, Charleville-Mézières dispose de 26 km de pistes et bandes cyclables et de nombreuses zones à vitesse limitée, 30 km/h, favorisant une circulation apaisée. Ces aménagements permettent de mieux partager l'espace entre cyclistes et automobilistes. Pourtant, la cohabitation reste un défi. Les comportements, qu'ils soient derrière un volant ou sur une selle, doivent évoluer vers davantage de respect mutuel et de vigilance. Adopter les bons gestes. Pour les automobilistes, garder une distance de 1,5 m lors du dépassement hors agglomération et 1 m en ville. Évitez les angles morts, respectez les limitations de vitesse et ralentissez en cas de croisement de cyclistes dans les rues à double sens cyclable. Pour les cyclistes et trottinettes, respectez le code de la route, respectez le sens de circulation des bandes cyclables, ne circulez pas sur les trottoirs sauf pour les enfants de moins de 8 ans, signalez vos changements de direction et portez des équipements réfléchissants. Une ville en mouvement. Charleville-Mézières s'inscrit dans une dynamique de mobilité durable où chaque usager de la route a sa place. En favorisant le dialogue et le respect entre automobilistes et cyclistes, notre ville continue de bâtir un espace de vie serein, moderne et tourné vers l'avenir. Ensemble, avançons vers une mobilité partagée et respectueuse. Citoyenneté. Recensement de la population 2025. Une partie de la population carolo-massérienne fera l'objet d'une campagne de recensement du 16 janvier au 15 février 2025. L'un des 12 agents recenseurs recrutés par la mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle, et vous remettra un questionnaire que vous pourrez remplir ensemble. Vous pouvez, si vous le préférez, le renseigner seul et le renvoyer à la mairie, service citoyenneté place de l'hôtel de ville, ou répondre au questionnaire en ligne. C'est encore plus simple sur Internet. L'agent vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants si vous souhaitez vous faire recenser en ligne. Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous sur le site www.le-6recensement-6-et-6-moi.fr. C'est utile pour vivre aujourd'hui et construire demain. Le recensement de la population est une enquête d'utilité publique obligatoire qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. Ces données sont notamment utilisées pour calculer la participation de l'État au budget des communes et permettent d'ajuster l'action publique aux besoins de la population. C'est sûr, vos données sont protégées. Les données transmises demeurent confidentielles, le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent. Plus d'informations au 03 68 89 04 80. Patrimoine. La flèche de Mézières va retrouver sa splendeur. La basilique Notre-Dame d'Espérance va faire l'objet de travaux de restauration et de sécurisation à partir du premier trimestre 2025 pour une durée d'environ 30 mois. Ces dernières semaines, les médias ne parlaient que de cette information, la fin des travaux de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Si l'histoire n'est pas la même, il s'agira également de travaux d'ampleur pour la basilique du chef-lieu des Ardennes. Bien plus qu'un simple chantier de rénovation, le projet de restauration de la flèche carolo-massérienne s'inscrit dans une démarche de sauvegarde et de valorisation du patrimoine local rendu nécessaire par l'état de fragilité de l'édifice. Une flèche à restaurer entièrement. Les études menées ont mis en évidence la nécessité d'une intervention urgente, notamment sur la flèche datant de 1861. Cette dernière, qui a déjà subi les affres du temps et les outrages des conflits, présente des signes de faiblesse qui pourraient compromettre sa stabilité. Les travaux porteront donc sur une restauration complète de la flèche, intérieure et extérieure, afin de lui redonner son éclat d'origine et ainsi garantir sa pérennité pour les générations futures. Plusieurs corps de métier, charpentiers, tailleurs de pierre, couvreurs, plombiers, zingueurs, travailleront sur un échafaudage imposant, 30 mètres de large pour 80 mètres de hauteur. Le Carolomag ne manquera pas de revenir sur ce chantier. CCAS. Seniors, bienvenue au club. Charleville-Mézières, ville amie des aînés et son centre communal d'action sociale portent une attention toute particulière aux seniors Carolo. Chaque année, le CCAS organise à leur intention le bal du printemps, le bal d'automne et un repas dansant sur la période de Noël. Cette année, ce sont près de 460 seniors qui y ont participé. Outre ces temps forts, le CCAS gère aussi 6 clubs seniors répartis dans les différents quartiers de la commune. Rue Maryse-Bastier à Manchester, place Joliot-Curie à La Houillère, rue Letrange à Moncy-Saint-Pierre, avenue Carnot à Mohon, rue des Liégeois à Mézières et rue Bourbon en centre-ville. Des lieux de partage. Ouvert du lundi au vendredi de 11h45 à 17h, les clubs seniors sont à la fois des espaces de restauration, mais aussi des lieux de partage et de convivialité qui permettent de créer des liens et de rompre l'isolement. Les repas, confectionnés par la cuisine centrale, sont réalisés par une diététicienne qui propose des menus variés, de qualité et équilibrés, de l'entrée au dessert. Les prix du repas varient de 3 à 9,50€ selon les ressources. Les seniors peuvent choisir de s'inscrire au service de restauration ou ne venir que l'après-midi pour partager des moments de jeu ou profiter d'animations ponctuelles. De nombreuses sorties. Les clubs seniors sont également à l'initiative de propositions de sorties à thème. En 2024, les personnes inscrites au club ont visité les jardins d'Annevois dans la province de Namur et le zoo d'Amnéville. Ils ont également fait une croisière sur la Meuse au départ de Givet. Durant l'année, les aînés ont aussi profité de moments festifs à l'occasion de Pâques ou de la fête du Beaujolais, mais aussi de barbecue en musique cet été. Bon à savoir, les seniors inscrits au club bénéficient une fois par an d'une offre de voyage à tarif préférentiel selon les ressources. Cette année, la commission voyage a sélectionné un séjour en hôtel à la Baule. N'hésitez plus, venez rencontrer les agents du CCAS du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 sans rendez-vous aux 6 places de la préfecture pour retirer votre carte senior. Gratuite, cette carte est le sésame d'entrée au club. Plus d'informations au 03 24 32 45 19 ou 03 24 32 45 18. Rendez-vous. Festival. Plein sens, le festival jeune public. Le festival Plein sens, organisé par le théâtre en lien avec plusieurs partenaires, revient cette année du 28 janvier au 2 février avec une programmation autour de la nature et des questions écologiques. Le festival Plein Sens est une belle occasion de découvrir des propositions artistiques variées pour petits et grands. Spectacles, expositions, ateliers, DJ sets, jeux et bien d'autres surprises. Les activités sont gratuites à l'exception des places de spectacle au tarif unique de 5 euros. Du parcours sensoriel au concert, en passant par les théâtres d'ombre et d'objets, il y en a pour tous les goûts. De 1 à 5 ans, la proposition Câlin, Caillou et Coquelicot invite les tout-petits à un parcours sensoriel mêlant sons, images et textiles, plongeant ainsi parents et enfants au cœur de la nature. Mercredi 29 janvier à 14h30 et 16h30 à la médiathèque Ronde Couture. À partir de 2 ans, embarquez pour Air de couleur bleue, un voyage poétique plein d'humour à travers le grand bleu de la mer, du ciel et de l'imaginaire. Dans ce spectacle de théâtre d'objets, une femme se prélasse dans son bain lorsqu'un chant d'oiseau éveille l'océan déchaîné de son imagination. La baignoire se fait voilier, la salle de bain grand large. Samedi 1er février à 9h30 et 11h à la MCL Ma Bohème en partenariat avec Pirouette. Dès 5 ans, le conte musical Les Graines Oubliées vous invite à suivre Lily, une petite fille qui part à la recherche d'un remède pour sauver sa maman malade. Dans un univers merveilleux où la biodiversité s'épanouit, laissez-vous bercer par la voix envoûtante de Ladylike Lily et émerveillé par du théâtre d'ombre. Samedi 1er février à 15h au TCM suivi d'un goûter offert. À partir de 7 ans, pour ceux qui aiment faire la fête, ne manquez pas les DJ Chaussettes. Deux musiciens offrent un spectacle décalé pour rire, bouger et célébrer ce pouvoir magique de l'être humain. S'abandonner à la danse, le dimanche 2 février à 15h au TCM, en partenariat avec Entre Petits et Grands. Tout le week-end dans le hall du TCM, participez à la création d'un plafond de fleurs et explorez les expositions interactives proposées par le collectif Les Yeux d'Argos. Avec Zooscope, adoptez le point de vue d'un animal et avec Fabularbre, voyagez à travers des paysages aux floraisons étonnantes. Au programme, des moments inoubliables capturés par Radio Léo, des instants d'adresse avec un panel de jeux en bois à disposition. En résumé, une plongée multisensorielle dans un univers où l'art et la nature se rencontrent. Spectacle, tarif unique 5 euros. Autre activité, gratuite. Réservation et programme complet sur www.charleville-mézières.fr. Billetterie du TCM 03 24 32 44 50 ou par courriel billetterie.théâtre@mairie-charleville-mézières.fr. Culture. Les nuits de la lecture reviennent. Comme chaque année, la ville prend part à l'opération Nuit de la lecture organisée par le Centre national du livre sur le thème cette année des patrimoines. Dans ce cadre, Charleville Lecture proposera aux enfants de la crèche Harare le spectacle du bal à Jojo, Blabla Tralalaire, le jeudi 23 janvier à 10h. Ce spectacle est dédié aux tout-petits à lecture et musique pour développer la curiosité des mots. Le même jour à 14h, les résidents du centre d'accueil de demandeurs d'asile CADA profiteront d'une visite guidée interactive et conviviale du musée Rimbaud et d'un atelier lecture de tableaux à partir des œuvres du musée. Objectif de cette animation qui mêle découverte artistique et plaisir des mots, leur offrir l'accès à un lieu culturel qu'ils ne fréquentent pas, rompre l'isolement et favoriser la lutte contre l'illettrisme. De son côté, l'Observatoire communal de la lecture publique éditera un cahier de recherche compilant des actions de lutte contre l'illettrisme et proposera des outils d'aide contre l'électronisme afin d'accompagner les personnes qui connaissent des difficultés face aux outils numériques. Pour plus d'informations, Charleville Lecture, 03 24 32 40 35. Observatoire de la lecture, 03 24 32 40 12. Musique, le rendez-vous classique de la nouvelle année. Cette année, la ville vous propose un concert exceptionnel du Nouvel An en accueillant l'Orchestre de Douai, région Hauts-de-France, samedi 25 janvier à 18h au théâtre. Avant de se produire au Louvre-Lens, cette grande formation symphonique des Hauts-de-France fait étape dans la cité rimbaldienne avec son programme original Vivaldi et ses quatre saisons, mené par le violon solo Gauthier Doug et le récitant Jean-Michel Brancard. Paroles, musique, mots, notes se répondent tour à tour au rythme des saisons et rendent hommage à celui que l'on appelle le prêtre roux et à son génie. Une œuvre qui a inspiré le comédien Jean-Michel Brancard, qui vous proposera de découvrir un texte de sa plume replaçant l'œuvre et le compositeur dans son époque, avec de nombreuses anecdotes pour encore mieux goûter le génie de Vivaldi. Quelle belle manière de commencer l'année, musicalement vôtre. Billetterie ouverte à compter du mercredi 8 janvier 2025 à partir de 13h30 sur le site de la ville www.charleville-mézières.fr, rubrique démarche en ligne ou au guichet du TCM. Tarif unique 8 euros. Dans la limite des places disponibles, placement non numéroté soumis aux consignes du personnel d'accueil. Pour plus d'informations, 03 24 32 44 40. culture@mairie-charleville-mézières.fr. Culture, nouvelle présentation au musée Arthur Rimbaud. Comme chaque année en janvier, les musées seront fermés au public pendant 15 jours, du 6 au 20 janvier 2025. Pendant cette période, l'équipe du musée démontera l'exposition « Il est un autre, portrait d'Arthur Rimbaud » et préparera la nouvelle présentation du musée Arthur Rimbaud. Une partie des 100 portraits présentés à la Maison des Ailleurs réintégrera le musée, des œuvres phares comme le Rimbaud blessé, l'esquisse du coin de table ou le Rimbaud à la pipe de Verlaine, dont le second exemplaire vient d'être vendu aux enchères. La restauration de nombreux manuscrits permettra à partir de cette année de renouveler en janvier, mai et septembre la présentation de la salle des manuscrits, de quoi ravir un public de fidèles. Dès le 21 janvier, vous pourrez redécouvrir le manuscrit voyelle et le touchant dessin de la civière réalisé par Rimbaud lorsqu'il doit se faire transporter pour être hospitalisé. Enfin, seront mises en valeur les œuvres de l'artiste Joël Leck, qui a récemment fait don au musée Arthur Rimbaud de très belles planches illustrées et d'une série de Leporello, livre des pliants. Le musée de l'Ardenne restera, quant à lui, exceptionnellement fermé jusqu'au 10 février inclus en raison du changement complet de son système de sécurité incendie, SSI. La présence d'un SSI est obligatoire pour tout établissement recevant du public afin d'assurer la sécurité des visiteurs, mais aussi la sauvegarde des œuvres et collections posées. Musée, entrée libre le premier dimanche de chaque mois. Profitez d'un moment culturel gratuit à Charleville-Mézières. Tous les premiers dimanches du mois, les portes des musées de la ville s'ouvrent gratuitement à tous. Découvrez le musée de l'Ardenne, le musée Arthur Rimbaud, ainsi que de la Maison des Ailleurs, sans dépenser un centime. Une occasion unique d'explorer l'histoire, l'art et la culture de la région. Alors, n'hésitez plus et venez en famille ou entre amis. Plus d'informations, horaires d'ouverture, du mardi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30, les samedis et dimanches de 14h à 17h30. Pour plus d'informations, www.charleville-mézières.fr et www.muséart.fr. Éducation. Inscrivez vos enfants pour la rentrée 2025. Votre enfant est né en 2022, vous venez d'emménager à Charleville-Mézières où il passe un CP, c'est le moment de l'inscrire à l'école pour l'année scolaire 2025-2026. L'inscription est obligatoire pour les enfants âgés de 3 ans lors du passage au CP ou s'ils sont nouvellement arrivés à Charleville-Mézières. Les inscriptions scolaires sont ouvertes du 13 janvier au 30 mai. Pour s'inscrire, deux possibilités. Soit en ligne, sur le site internet de la ville dans l'espace famille, en téléchargeant les documents nécessaires à l'inscription. https://www.espace-citoyen.net/cmz. Une fois rempli, n'oubliez pas de les envoyer par courriel à l'adresse inscriptionscolaire@mairie-charleville-mézières.fr. Soit sur place, en prenant rendez-vous au service enseignement, premier étage en face des escaliers, à l'hôtel de ville de Mézières par téléphone au 03 24 32 42 83. Pour rappel, l'hôtel de ville est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Spectacle. Humour et handicap au forum. Le 7 février 2025, Charleville-Mézières accueille la première édition du festival Humour et Handicap au Forum, organisé par l'APF France Handicap en partenariat avec la ville. Cet événement vise à changer les perceptions sur le handicap grâce à l'humour et au partage. Les préjugés, l'ignorance et la peur sont de vrais obstacles dans la vie des personnes en situation de handicap. Mais rien de tel que de partager un éclat de rire pour que la différence s'estompe et que les barrières se lèvent. L'humoriste Christophe Fleuder sera en tête d'affiche avec son spectacle « Oui, je suis noir et alors », un one-man show autobiographique mêlant autodérision et talent. Du haut de ses 41 ans, Christophe livre des anecdotes de vie teintées d'humour tout en brisant les stéréotypes. Un maître d'autodérision, mais aussi un maître quand il s'agit de jouer des personnages. Bref, un concentré de talent. En première partie, Franck Duchesne, qui a gagné le tremplin de l'humour à Youths en 2022, promet de chauffer la salle. En journée, deux représentations dédiées aux scolaires mettront en scène le spectacle Rencontre imprévue, récit en musique autour du handicap de la compagnie Philodar. Ce voyage onirique explore les différences à travers des histoires fantastiques et engageantes. S'inscrivant dans la stratégie d'inclusion et d'accessibilité de la ville, ce festival montre qu'un éclat de rire peut gommer les préjugés et rapprocher les cœurs. Pour plus d'informations, APF France Handicap, 06 33 99 10 31. Info pratique. Seconde date pour le sel. La distribution gratuite de sel continue à Charleville-Mézières. Vous pourrez récupérer 5 kilos par foyer du lundi 6 au samedi 11 janvier 2025 entre 10h et 14h aux 3 rues de l'Industrie. N'hésitez pas à venir avec votre sac ou votre seau. Travaux. La circulation autour du théâtre modifiée. En 2026, un hôtel 4 étoiles ouvrira Place Ducale. Le projet entré dans sa phase concrète avec le début des travaux implique quelques modifications de circulation et stationnement. On vous dit tout. Le projet étant situé cours de la Criée, la circulation est interdite rue du Théâtre entre le numéro 15, bâtiment du Parti Socialiste, et l'entrée de la mairie. Il n'est donc pas possible de faire le tour du théâtre, et ce jusqu'au 31 décembre 2026. Le stationnement et l'arrêt sont également interdits sur le même tracé. Pour permettre aux automobilistes d'accéder à la poste et à la mairie dont l'accueil reste ouvert, le stationnement et l'arrêt restent autorisés entre la poste et le 15 rue du théâtre et entre la mairie et le numéro 9, bijouterie. À cet effet, la circulation est passée en double sens jusqu'au 31 décembre 2026 sur ces deux tronçons, les voies étant réduites, manœuvrées avec prudence. Côté piéton. Si l'échafaudage installé dans le cadre du projet est impressionnant Place Ducale, notez que la liaison piétonne reste possible entre la Place Ducale et la Place du Théâtre via les escaliers des toilettes publiques. Écologie. Une seconde vie pour vos sapins. Après avoir illuminé vos fêtes, votre sapin peut encore servir. Vous avez jusqu'au 24 janvier pour déposer votre arbre de Noël dans un point de collecte avant que ce dernier ne soit acheminé au sein du service des espaces verts. Les agents de la ville se chargeront ensuite de le transformer en paillage pour les massifs. À Charleville-Mézières, rien ne se perd, tout se transforme. Voici les différents points de collecte. Place de la Basilique, parking cimetière Féroule, place Marceau, place Duteux, place de Montcy-Saint-Pierre, place Joliot-Curie, place d'Unan, rue Noël et place de Manchester. Agenda. Janvier. Samedi 11 janvier, 20h30. Les Guignolades, la suite. Spectacle MCL Ma Bohème. Entrée 22 euros. Réservation au 03 24 33 31 85 ou au 06 08 41 79 80 ou au mcl.mabohème@orange.fr. Dimanche 12 janvier, 14h. Après-midi dansant. Thé dansant. 75 Forest Avenue. Réservation au 75forestavenue.com. Mardi 14 janvier, 18h. La Marcasserie. Réunion d'information. Montcy-Saint-Pierre. Découvrez les produits et l'association de la Marcasserie. Mardi 14 janvier, 19h30. Parthénope, de Paolo Sorrentino. Projection cinéma Métropolis, organisée par l'association Figli del Gonzaga, enfants de Gonzague. Mercredi 15 janvier, 17h30. Café Deuil, Seven Café, lieu d'échange bienveillant pour parler de son deuil. Entrée libre, organisée par l'association Gelmalve. Mercredi 15 janvier, 19h30. Séance en cours. Résistance, projection, médiathèque voyelle, 5 courts-métrages, échange avec un professionnel du cinéma, verre de l'amitié et auberge espagnole. Jeudi 16 janvier, 19h15, un voyage musical dans l'espace, apéritif musical, TCM, entrée gratuite sur réservation. Réservation sur billetterie.théâtre@mairie-charleville-mézières.fr. Du vendredi 17 au dimanche 19 janvier, de 14h à 18h, 20 000 lieux sous la terre, exposition, salle de Nevers, expérience numérique immersive, entrée gratuite, organisée par N2U. Samedi 18 janvier, 14h, l'atelier, portes ouvertes, l'atelier, association artistique. Démonstration de modelage, céramique, mosaïque, gravure, sculpture bois et métal, entrée gratuite sans réservation. Samedi 18 janvier, 16h, Rimbaud, City Trail. Trail urbain, rando Rimbaud, 7 km. Place du château à 16h30, Rimbaud City Trail, 16 km. Place de l'hôtel de ville à 18h. Inscription, ledossard.com. Organisé par l'Athletic Club Bel Air. Dimanche 19 janvier, 14h, après-midi dansant, thé dansant, 75 Forest Avenue. Réservation, 75forestavenue.com. Mercredi 22 janvier, 18h, audition à la carte, patchwork musical présenté par les élèves, auditorium du conservatoire, entrée gratuite, sans réservation. Jeudi 23 janvier, 10h et 14h, nuit de la lecture. Samedi 25 janvier, 18h, concert du Nouvel An, concert TCM, entrée 8€, billetterie ouverte à compter du 8 janvier, 13h30. Samedi 25 janvier, 20h30, le bal des rois. Concert, 75 Forest Avenue, réservation, 75forestavenue.com. Samedi 25 et dimanche 26 janvier, de 9h à 18h, week-end santé et bien-être, rencontres et ateliers, salle de 9h, témoignages, nombreux exposants et associations, entrée gratuite, atelier 2€, inscription au 06 49 18 07 29. Organisé par l'association Vivre Mieux Sans Gluten dans les Ardennes. Dimanche 26 janvier à 14h, après-midi dansant, thé dansant, 75 Forest Avenue, réservation 75forestavenue.com. Mercredi 29 janvier 18h, audition à la carte, patchwork musical présenté par les élèves, auditorium du conservatoire, entrée gratuite, sans réservation. Vendredi 31 janvier 20h30, couple en délire, théâtre, 75 Forest Avenue, entrée 20€, réservation 75forestavenue.com. Vendredi 31 janvier et samedi 1er février, portes ouvertes, lycée Bazin, journée portes ouvertes, entrée libre. Février. Samedi 1er février, 15h, Les Graines Oubliées, théâtre d'ombre, TCM, entrée 5€, à partir de 7 ans. Inscription, web.digitique.com, dans le cadre de plein sens. Samedi 1er février 20h30, année 80, soirée, 75 Forest Avenue, réservation, 75forestavenue.com. Dimanche 2 février 15h, DJ Chaussette, héritage, concert-spectacle, TCM, entrée 5€, à partir de 7 ans, inscription, web.digitique.com, dans le cadre de plein sens. Mercredi 5 février 20h, Les Enfants, théâtre, TCM. Une tragicomédie sur fond de crise environnementale. Entrée de 10€ à 25€. Réservation web.digitique.com. Vendredi 7 février 20h. Festival Humour et Handicap. Spectacle Le Forum. Organisé en partenariat avec l'APF France Handicap. ABA, une association pour lutter contre les troubles alimentaires. Anorexique, boulimique, anonyme. ABA est une association de personnes, femmes et hommes, qui partagent leur expérience, leur force et leur espoir dans le but d'aider d'autres anorexiques et boulimiques à se rétablir. Les réunions hebdomadaires dites fermées sont réservées aux personnes anorexiques ou boulimiques et les réunions ouvertes sont accessibles aux proches, à l'entourage et aux professionnels qui le souhaitent chaque premier jeudi du mois. Rendez-vous tous les jeudis à la maison des associations à Montmon, salle du premier étage à 20h. Pas de réunion pendant la période des petites vacances scolaires. Pour plus d'informations, 07 68 08 46 48. Les marchés des producteurs de pays font une pause pendant le mois de janvier, mais ils seront de retour dès le mois de février. Place du Cal, vendredi 14 février de 15h à 19h. Place de l'Hôtel de Ville, vendredi 21 février de 15h à 19h. Pour rappel, voici les autres marchés de la ville. Place Beauchard à la Ronde Couture, les dimanches, de 8h à 13h. Le marché couvert rue du Daga, les mardis, les jeudis et les samedis, de 8h à 13h. Place de l'Hôtel de Ville, les mercredis, de 8h à 13h. Place de Mohon, les vendredis, de 8h à 13h. Mille premiers jours, bibliothèque Porte-Neuve. Mercredi 8 janvier, 9h30, lire avec son bébé, de la naissance à 3 ans. Samedi 18 janvier, 10h30, éveil musical, de 3 mois à 3 ans. Samedi 18 janvier, 15h, papa coach, papa et futur papa. Mardi 21 janvier, 9h30, art-thérapie, pour les parents. Samedi 25 janvier, 10h15 et 11h15, baby yoga, de 3 mois à 18 mois. Vendredi 31 janvier, 9h15, motricité libre, de la naissance à 3 ans. Samedi 1er février, 10h30, éveil musical, de 3 mois à 3 ans. Mercredi 5 février, 9h30, lire avec son bébé, de la naissance à 3 ans. Vendredi 7 février, 9h15, signe avec bébé, de la naissance à 3 ans. Point lecture, pour tous, de Manchester. Mardi 14 janvier, 9h, chant prénatal, respiration détente, deuxième mois de grossesse, jusqu'aux 3 mois de l'enfant. Mardi 14 janvier, 10h, chanter, bouger, danser, de 15 mois à 3 ans. Mardi 21 janvier, 15h, massage bébé, de la naissance à 12 mois. Vendredi 24 janvier, 10h, bébé gym, de 15 mois à 3 ans. Mercredi 29 janvier, 9h, lire avec son bébé, de 12 mois à 3 ans. Informations et réservations au 03 24 32 44 96 ou 1000pj@mairie-charleville-mézières.fr. Attention, place limitée. Première présentation publique de la 14e promotion de l'ESNAM, École nationale supérieure des arts de la marionnette. Jeudi 30 janvier à 19h, au théâtre de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette, 16 avenue Jean Jaurès, restitution de fin de stage sur les fondamentaux de la marionnette à Gaines, à l'issue d'une semaine de construction de marionnettes à Gaines lyonnaise avec Omblin de Binck et 4 semaines d'apprentissage de la pratique avec Brice Coupé. Entrée libre sur réservation au 03 24 33 72 50. contact@marionnette.com. TCM, Théâtre Charleville-Mézières. Martin Luminet et Kali, mardi 7 janvier 19h30, concert. Martin Luminet est une révélation de la scène musicale française. Ce jeune artiste alterne entre chansons et spoken word, avec des paroles mélodiques cinglantes qui émeuvent autant qu'elles remuent. Regard à la fois empathique et implacable, cet auteur-compositeur transmet avec justesse et sensibilité un message fédérateur d'espoir face à un monde qu'il voit petit à petit s'effondrer. Habité par le refus des faux-semblants, cache souvent, Martin Luminet propose une pop mélodique. Artiste d'exception, Kali est en escale au TCM pour partager certaines de ses plus belles chansons. Après 20 ans de carrière et des milliers de concerts, Kali célèbre le 20e anniversaire de son tout premier album « Amour parfait ». Dans un show piano-voix, accompagné du brillant musicien Steve Neave, il mêle ses grands classiques et chansons engagées à d'autres œuvres nouvelles. Tout public. Subjective Lune, jeudi 16 janvier, 20h, Théâtre d'Objets, Compagnie Les Maladroits. Une reconstitution du premier pas sur la Lune pour déjouer les théories complotistes. 4 documentaristes rejouent à l'aide de bric-à-brac, d'objets en tout genre, d'images d'archives et d'interviews, la mission Apollo 11. Tout sera mis en œuvre par la brillante compagnie Les Maladroits pour tromper notre esprit. À partir de 12 ans. Autour du spectacle, apéritif musical en partenariat avec le Conservatoire à 19h15. Les Portraits, intégrale, samedi 18 janvier, 17h, Théâtre Compagnie Tendre et la Nuit, complet. Mondial Placard, jeudi 23 janvier, 20h, Théâtre Compagnie Théâtre du Fracas, un vaudeville d'aujourd'hui dans le monde de l'entreprise, mordant et hilarant. Lorsque Marion, jeune femme volontaire et ambitieuse, est nommée directrice des ventes de Mondial Placard, les cadres masculins de l'entreprise se persuadent qu'ils sont victimes de discrimination. L'un d'eux décide alors de se travestir en femme pour dénoncer l'injustice. Du sous-directeur misogyne à la stagiaire féministe, tous vont alors s'interroger avec brio tour à tour sur le rôle des hommes et des femmes dans la société et dans le monde du travail. À partir de 15 ans. Sport. Basket. Que l'année 2025 soit enflammée. Autour de leur projet, les Flammes rassemblent, animent et passionnent tout un territoire, fiers de vibrer au rythme de leurs performances dans l'élite du basket français. Cela dure depuis 15 saisons et permet la valorisation de Charleville-Mézières partout en France. À chaque match son histoire, dans la victoire comme dans la défaite, les basketteuses Carolo jouent leur rôle de créatrice d'émotions qu'elles souhaitent continuer à partager avec leurs supporters en 2025. De l'enthousiasme, de la ferveur et le meilleur pour toutes celles et tous ceux qui vous sont proches. C'est tout ce que les Flammes vous souhaitent pour cette nouvelle année. deux spectacles d'humour en 2025 à la Guinguette Arena. Du sport à la culture, il n'y a qu'un pas. Volonté commune du propriétaire, Ardenne Métropole, du parrain, Johan Klein, Guinguette Club Lounge, et des gestionnaires, Flamme, les premiers spectacles d'humour vont voir le jour dans l'antre du basket Carolo en 2025. L'artiste belge Guillaume vous détend le samedi 15 mars 2025 et la reine du stand-up Nawel Madani le samedi 22 novembre 2025 seront les premiers artistes à se produire à la Guinguette Arena. Calendrier de janvier à la Guinguette Arena. Samedi 11 janvier 2025 contre Tarbes. Vendredi 31 janvier 2025 contre Villeneuve-d'Ascq. Infos et billetterie sur www.arena-charleville.com. Football. L'OCPAM doit maintenir le cap. En ce début d'année, l'Olympique Charleville prix Ardenne Métropole, OCPAM, doit retrouver un second souffle pour venir se replacer dans la première partie du tableau de N3. Derrière, si la R2 a donné du fil à retordre au CSSA, en fin d'année, rien n'est joué. En revanche, la R3 doit se ressaisir pour assurer son maintien. Du côté des jeunes, les résultats sont satisfaisants. Il n'est donc pas utopique de parler à moyen terme d'une accession au niveau national, plus particulièrement pour la catégorie U16. L'école de football, quant à elle, figure parmi les meilleures du département. Prochain rendez-vous samedi 18 janvier à 18h au stade du Petit Bois, derby interrégional et match à 6 points face à Saint-Quentin, N3. Trail. Le Rainbow City Trail fait son retour. Le trail urbain organisé par l'Athletic Bel Air Club revient le samedi 18 janvier dans la cité de Gonzague. Pour cette 4e édition, les coureurs s'affronteront sur une distance de 16 km, 250 mètres de dénivelé positif, qui les emmènera à la découverte du patrimoine bâti et naturel de Charleville-Mézières, le tout en musique. Une marche de 8 km baptisée carnet de voyage sera également proposée sous forme de jeu de piste avec comme fil rouge Charleville-Mézières et son illustre poète Arthur Rimbaud. Près de 80 dessins d'enfants seront exposés sur le parcours suite à un concours lancé par l'Athletic Club Bel Air. Un village aux couleurs du club sera installé dans la salle du château à Mézières qui fera également office de lieu de retrait des dossards et de vestiaires. En chiffres. Le Rainbow City Trail, c'est du dénivelé positif ou négatif avec un parcours comprenant 16 escaliers, de la culture avec la découverte de 7 fresques de Rimbaud, 6 ponts et 5 espaces verts traversés et 4 bâtiments exceptionnellement ouverts ce soir-là. Que la fête commence! Pour l'inscription, ce sera jusqu'au 17 janvier sur ledossard.com. Agenda sportif. Hockey sur glace. Le samedi 18 janvier à 17h30 à la patinoire Elena Isachenko, les Sangliers de Charleville-Mézières reçoivent Chalon et Troyes pour le trophée fédéral D4. Le dimanche 2 février à 12h30 à la patinoire Elena Isachenko, ce sera le tournoi U9. Basketball masculin. Le samedi 11 janvier à 20h30, salle Dubois-Crancé, Étoile reçoit Nancy, pré-national. Le mardi 14 janvier à 20h, Guinguette Arena, Étoile reçoit Orchi, N1. Vendredi 17 janvier 20h, Guinguette Arena, Étoile reçoit Lyon, N1. Samedi 25 janvier à 20h30, salle Dubois-Crancé, Étoile reçoit Ville-et-les-Nancy, pré-national. Mardi 28 janvier 20h, Guinguette Arena, Étoile reçoit Besançon, N1. Et mardi 4 février 20h, Guinguette Arena, Étoile reçoit Metz, N1. Basketball féminin. Samedi 11 janvier, Guinguette Arena, à 16h, FCBA reçoit Orly, N2. À 20h, FCBA reçoit Tarbes, La Boulangère, Wonder League. Samedi 18 janvier, 17h15, salle Bayard, FCBA reçoit ASPTT Nancy, N2. Vendredi 31 janvier, 20h, Guinguette Arena, FCBA reçoit Villeneuve, La Boulangère, Wonder League. Samedi 8 février, 17h15, salle Bayard, FCBA reçoit Mulhouse, N2. Basket fauteuil. Dimanche 12 janvier à 15h, salle Dubois-Crancé, Étoile reçoit Lille, N3. Handball masculin. Le samedi 18 janvier à 19h, au gymnase Campus Sup-Ardennes, CMHB reçoit AI, championnat Marne-Ardennes. Le samedi 1er février, gymnase Campus Sup-Ardennes, levée de rideau à 19h, les moins de 18 ans CMHB reçoivent Saint-Brice et à 21h, CMHB reçoit Montivois, championnat Marne-Ardennes. Handball féminin. Le samedi 1er février à 17h, au gymnase Campus Sup-Ardennes, CMHB reçoit Bogny pour le championnat Marne-Ardennes. Football. Samedi 18 janvier à 18h, Petit Bois, OCPAM reçoit Saint-Quentin, N3. Samedi 8 février, 18h, Petit Bois, OCPAM reçoit Stade de Reims, N3. Escrime. Samedi 1er et dimanche 2 février, salle Bayard et Monges, quart de finale du championnat de France de sabre, M15. Histoire. Architecture. Du coq chantant au Mont Olympe par la culbute. Une histoire de passerelle. Par Jean-François Saint-Bastien, de la Société d'Histoire des Ardennes. Le choix de construire Charleville en bord de Meuse en 1606 répondait à la fois à un enjeu stratégique, contrôle des flux et défense de la ville, à un enjeu économique, la Meuse étant une voie de communication essentielle pour le transport de marchandises, et à un enjeu pratique, eau potable, irrigation, activité artisanale au moyen de moulins et tanneries. Le fleuve était aussi un élément structurant de l'organisation de la cité, jouant un rôle dans le paysage urbain et la vie de ses habitants. Voici deux éléments qui l'illustrent avec l'histoire de deux passerelles totalement différentes, le coq chantant et celle que les Carolos utilisent régulièrement, la Dame de Fer, la passerelle du Mont Olympe. La culbute. Retour au début du XIXe siècle. À quelques 1000 mètres de Charleville, à l'orée du bois de la Havetière, le restaurant de la culbute était installé au milieu de lieux de promenade, de jardins, de balançoires, offrant un espace de divertissement apprécié des Carolos qui pouvaient y danser beaucoup en 1810, on s'y amusait très honnêtement sur l'herbe en faisant des culbutes. L'origine de ce quartier provient d'un restaurant situé sur la rive droite d'un ruisseau du même nom. Monsieur Vasset, propriétaire de l'établissement, possède également sur l'autre rive un jardin où il aimerait facilement accéder. Il sollicite donc l'autorisation de la mairie d'y établir une passerelle en bois. S'agissant d'un espace public et conformément aux dispositions préfectorales, une enquête commodo-incommodo est ouverte pour la construction d'une petite passerelle. Le coq chantant. Nous sommes en 1912. La verrerie du Moulinet, dont le nom faisait référence au moulin Banneau de la ville, devait faire face à la concurrence. Une partie des marchandises était transportée par bateau. La verrerie recevait de 8 à 10 bateaux par an. Le déchargement était réalisé au moyen de brouettes circulant sur la chaussée. Le chemin du coq chantant. Un nom bien singulier pour cet ancien chemin de halage. Il vient du bâtiment situé juste au début de cette voie, l'auberge du coq chantant, que 5 ans plus tard, le Kronprinz fréquentera. Le propriétaire, M. Fournier, après avoir réalisé en 1900 la fusion des verreries de Glajon et de Charleville, souhaite accélérer ses opérations de déchargement. Il envisage alors de faire réaliser une passerelle démontable après chaque opération qui passerait par-dessus le chemin du coq chantant à 3 mètres de hauteur, directement du bateau à l'usine. Le transport se ferait par wagonnet. Mais la voie appartient à l'État. C'est donc l'administration des ponts et chaussées qui doit statuer et autoriser ou non cette construction. Il convient toutefois au préalable d'en demander l'autorisation au maire. C'est chose faite, par écrit, le 6 septembre 1912. Une première étude du projet propose « En raison du mauvais effet que l'installation produira, des risques pour les piétons et les voitures et de la difficulté qu'il y aura probablement pour l'enlèvement de la passerelle après chaque opération, nous pensons que l'avis ne doit pas être donné qu'après un examen complet de la question. » C'est donc vers la commission des travaux que la requête est dirigée. Son avis tombe le 18 septembre 1912. Dans les documents conservés aux archives départementales, un feuillet d'un quart de page mentionne un laconique « avis défavorable de la commission des travaux » mettant un terme à ce projet. La passerelle du coq chantant n'enjambera pas la voie publique. La passerelle du Mont Olympe. Voilà donc deux histoires de passerelles méconnues. Ce n'est pas la même chose de la troisième que nous évoquons, particulièrement fréquentée au beau jour pour passer la Meuse le long du vieux moulin. Nous sommes dans la même période, en 1907, mais le projet est plus ambitieux que cela. Il s'agit d'aménager un lavoir sous la première arche du moulin, estimé à 5000 francs, et de construire une passerelle de 1000 francs sur le côté amont de l'ancien moulin destiné à relier l'île au quai du Sépulcre, comme le maire en sollicite l'autorisation au préfet le 20 août 1907. À l'instar de la passerelle de la Culbute, une enquête doit être conduite afin de prendre un arrêté autorisant la construction, comme le préconise M. Claes, ingénieur du service des ponts et chaussées, à l'architecte voyer de la ville, M. Thomé. Les calculs préalables à la construction prenaient en compte de nombreux paramètres qui pourraient faire l'objet d'un bel exercice de mathématiques. Les ingénieurs prévoyaient que la passerelle, de 2,50 m de large, serait formée de deux travées composées chacune de 5 poutres longitudinales et d'un tablier en bois. Bien sûr, un garde-corps était indispensable. Établissement d'un garde-corps de 1,20 m de hauteur avec montant en chêne et plancher jointiré en sapin. Le plancher devait être situé au-dessus du niveau de la plus haute crue connue, celle de 1846. Dès l'origine, la passerelle était destinée aux piétons. Par mètre courant, le poids maximal était de 110 kg. Mais il fallait pouvoir aménager l'île et y apporter les matériaux nécessaires au remblai. Il fallait donc que la passerelle supporte un tombereau d'au plus 3,5 kg. La Première Guerre mondiale repoussa la construction de la passerelle qui fut finalement inaugurée en 1933. Le projet initial fut modifié. Il s'agit désormais d'un élégant pont suspendu en métal, toujours réservé aux piétons et aux cyclistes. Ce premier ouvrage fut détruit au cours de la Seconde Guerre mondiale. Elle sera reconstruite et s'élancera au-dessus de la Meuse sur une longueur de 141,52 m. Régulièrement inspectée, rénovée, elle reste un point d'intérêt architectural dans la ville. Expression politique. Pas de quartier par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. Vous m'avez fait l'honneur de m'élire maire au printemps 2014, il y a donc un peu plus de 10 ans. Cette décennie, je l'ai consacrée à réveiller la belle endormie qu'était alors Charleville-Mézières, une ville possédant certes d'indéniables atouts, mais déclinante, sans projet porteur ni vision d'ensemble. L'une des principales caractéristiques de notre ville tient à un fait précis. Elle est née le 1er octobre 1966, lors de la fusion de Mézières, Charleville, Moncy-Saint-Pierre, Étion et Mohon. Au regard de l'histoire, ces quelques 60 années d'existence commune ne représentent qu'un battement de cils. Mais pour les milliers de carolo-massériens qui les ont vécues, cette fusion n'a pas toujours été facile à digérer. Il a fallu s'habituer à une nouvelle administration, accepter de rétrograder du rang de commune à celui de simple quartier, d'où une certaine frustration amplifiée par le fait que pendant des décennies, les maires successifs se sont surtout préoccupés de Charleville, laissant les autres secteurs de notre ville, notamment Mézières, s'étioler peu à peu. Ce n'est aujourd'hui plus le cas. Nos moyens sont limités, mais ces ressources, aussi modestes soient-elles, sont utilisées pour le bien de tous, sans exception. Charleville connaît ses heures de gloire, notamment lors de la plage ducale ou du marché de Noël, mais Mézières bénéficie désormais d'un programme de rendez-vous dense, profitant à plein du nouvel espace disponible depuis la rénovation de la place de l'Hôtel de Ville. Sachant que l'essor programmé de la Massérienne va encore dynamiser toute cette partie de notre ville. De la même manière, des quartiers comme la Ronde Couture, Manchester ou la Houillère bénéficient d'investissements considérables. Après les sommes consacrées à la rénovation urbaine, ce sont plus de 8 millions qui sont prévus cette année pour rénover les équipements sportifs de la Ronde Couture ou de la Varenne. Et je n'oublie pas les projets proposés par les habitants et choisis dans le cadre du budget participatif. Chaque quartier a automatiquement droit à la concrétisation d'au moins un projet. Pour résumer, la municipalité que je conduis se préoccupe de tous les quartiers de notre ville, sans en oublier aucun. Nous y investissons à tour de rôle, avec pour seule limite celle du budget municipal. L'agglomération en difficulté par Sylvain Dalla Rosa pour la liste Une ville pour tous. Le rapport des conclusions de la Chambre régionale des comptes était à l'ordre du jour de la réunion le 10 décembre dernier, de la communauté d'agglomération Ardennes Métropole, regroupant 57 communes et 121 000 habitants. Les investigations de la Chambre montrent la fragilité des finances de la collectivité. Parmi les remarques formulées, la Chambre déclare qu'il y a peu de marge financière pour financer la politique d'investissement et elle évoque l'accentuation du niveau d'endettement. Lors du débat autour de ses conclusions, le président de l'agglomération, Boris Ravignon, a éludé le débat. « J'ai souhaité pour ma part que la réflexion s'engage afin de déterminer la mise en œuvre d'un plan d'action pour répondre et prendre en compte l'expertise de la Chambre. » Autre point abordé, la nécessité que dans le cadre de la régie de l'eau et de l'assainissement, celle-ci puisse avoir une autonomie financière. L'agglomération doit donner à ce service une autonomie financière. Pour financer cette disposition, le président va avoir recours à une hausse du prix du mètre cube d'eau. Malgré la désignation d'un nouveau gouvernement, la volonté du pouvoir de faire nationnellement 5 milliards d'économies par les collectivités reste d'actualité. J'ai voté contre cette orientation qui pénalise les usagers les plus en difficulté. 120 euros de plus en 3 ans sur votre facture d'eau, par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. Ardennes Métropole vient de décider une nouvelle augmentation du prix de l'eau, à nouveau plus 5% en 2025, après une augmentation de 13% en 2023 et de 5% en 2024. Ce sont donc près de 25% d'augmentation que tous les habitants de Charleville-Mézières auront dû subir en 3 ans, ce qui représente près de 120 euros de plus pour un utilisateur moyen. Malgré ces augmentations répétées, le réseau d'eau potable n'est pas suffisamment entretenu. Il faudrait au rythme actuel en effet 140 ans pour réparer tout le réseau. L'efficacité de ce réseau s'en ressent. Celui-ci n'est efficace qu'aux 2/3, c'est-à-dire qu'un litre sur 3 de l'eau prélevée et transportée n'arrive pas à destination du fait des différentes fuites. La facture d'eau représente en moyenne 1% du revenu des ménages, mais pour certains, elle représente plus de 3% de ce même revenu. Cette augmentation du prix est donc brutale, mais elle est aussi aveugle car le prix de l'eau frappe proportionnellement beaucoup plus durement les bas revenus. C'est pourquoi je propose depuis 10 ans à l'agglomération une tarification sociale de l'eau en fonction du revenu. En même temps qu'il annonçait cette hausse, le journal local publiait les chiffres de la pauvreté. Près d'un tiers des Carolo-Masséryens vit sous le seuil de pauvreté. Les 2/3 dans certains secteurs, hors l'abonnement, la partie fixe de la facture d'eau, pèse plus lourd en proportion du total pour les moins fortunés ou les faibles consommateurs. De nombreuses collectivités ont décidé d'exonérer partiellement ou totalement les plus pauvres du prix de cet abonnement. De la même manière, nombreuses communes et agglomérations en France ont décidé d'établir un tarif progressif pour les premiers mètres cubes d'eau consommés, dites eau vitale quasi gratuit, les mètres cubes suivants, dites eau utile, et l'eau de confort consommée ensuite. Tant il est écologiquement et socialement absurde de faire payer au même prix l'eau destinée à boire et se nourrir, celle pour laver sa voiture et celle destinée à remplir sa piscine. Alors même que le président de la République annonçait il y a 18 mois la généralisation de cette mesure de tarification progressive lors de la présentation de son plan eau. En refusant obstinément, année après année, d'instaurer une tarification progressive pour l'eau, le président de la communauté d'agglomération, qui se targue de ne pas augmenter les impôts locaux, choisit en réalité de taxer lourdement les plus pauvres. En décidant d'augmenter la facture brutalement, aveuglément, sans tenir compte des revenus ni du niveau de consommation, la communauté d'agglomération a à nouveau raté le coche. Ardennes Métropole sera-t-elle la dernière collectivité en France à mettre en place cette mesure de justice ? Le mag d'Ardennes Métropole, édito par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. Unis donc plus forts. Voilà plus de 2 siècles que nos voisins et amis belges ont adopté le fameux proverbe « l'union fait la force », le choisissant même comme devise nationale. Je me réjouis de constater qu'à notre modeste échelle, nous fournissons très régulièrement des illustrations concrètes de cette célèbre devise. Dernière en date, le pacte pour la ruralité adopté lors du Conseil communautaire de la mi-décembre. Il n'aura échappé à personne que le territoire d'Ardennes Métropole est essentiellement rural. Dès lors, nous avons ainsi souhaité d'une part formaliser les dispositions déjà existantes, d'autre part nous engager noir sur blanc à soutenir toujours plus nos petites communes. Et cela dans de multiples domaines qui touchent tous à la vie quotidienne de leurs habitants. logement, transport, sécurité, urbanisme. Certes, nos pôles urbains concentrent une bonne partie de l'activité locale, donc de l'emploi. Mais l'union faisant la force, c'est tout naturellement qu'Ardennes Métropole entend épauler toutes les initiatives, qu'elles émanent de la ville ou de la campagne. Il en est ainsi des secrétaires de mairie. Bien souvent, dans nos villages, même si le pouvoir décisionnaire demeure entre les mains des élus, ce sont des secrétaires qui assurent au quotidien le bon fonctionnement de ce service public essentiel, la mairie et son accueil. L'agglo va donc désormais tenir à la disposition de ses communes membres une petite équipe d'agents en capacité de remplacer au pied levé tel ou tel secrétaire de mairie soudainement absent. Confiant en notre capacité à relever collectivement les défis qui ne manqueront pas de nous être lancés, je vous adresse mes vœux les plus sincères pour 2025. Notre union constituant notre force, la meilleure année possible à nous tous. Le projet architectural de réhabilitation de la Masserrienne dévoilé. Respecter un patrimoine inscrit au monument historique tout en lui permettant d'accueillir un panel d'activités économiques, culturelles ou touristiques, telle est la mission confiée au groupement de maîtrise d'œuvre porté par l'atelier 981, retenu pour transformer la friche de la Masserrienne en un pôle d'attractivité. La Masserrienne. Grâce au cabaret vert, nombreux sont ceux qui ont arpenté cette immense friche industrielle. Après la phase de dépollution du site, menée à bien par nos collectivités, place désormais à celle concernant la réhabilitation des bâtiments en eux-mêmes. Il va donc s'agir d'aménager ces espaces afin de leur permettre d'accueillir les différentes activités attendues tout en les préservant. Un défi excitant que s'apprête à relever l'atelier 981 basé à Lille. C'est un très beau terrain de jeu, s'enthousiasme Cédric Michel, architecte urbaniste et co-gérant de l'atelier 981. Tout l'intérêt du projet réside dans notre capacité à faire se rencontrer activité et patrimoine. L'intérêt, mais aussi la difficulté. Rappelons en effet que la future Masserrienne abritera des activités liées à la restauration, au commerce, à l'hébergement, à la diffusion culturelle, à l'apprentissage professionnel, au développement durable, au tourisme. Afin de respecter l'intérêt patrimonial, les concepteurs ont retenu le principe de la boîte dans la boîte, qui consiste à aménager des espaces chauffés à l'intérieur de l'espace existant restauré afin de conserver visibles les qualités patrimoniales des lieux, comme par exemple dans les anciens ateliers mécaniques. Au-dessus, sur le toit terrasse, prendra place une structure en bois légère et lumineuse destinée à abriter un espace de restauration. Sur l'emplacement de l'ancienne fonderie, une nouvelle extension, la maison de terre, abritera un espace polyvalent de diffusion artistique. Des ambitions environnementales fortes. Ce projet s'inscrit dans une démarche de sobriété avec une volonté claire, l'exemplarité environnementale, que ce soit lors de la phase d'aménagement ou lors de l'utilisation des lieux, pose Cédric Michel. Volonté qui se traduit de multiples manières. Exemple avec la maison de terre. Ces murs porteurs seront en effet construits en pisé, technique de construction en terre crue, constituant ainsi une enveloppe au sein de laquelle se glissera une ossature bois. Le tout avec des matériaux locaux et biosourcés, reprend l'architecte. L'isolation comprendra des panneaux de chanvre ou de laine de bois, la terre utilisée sera tirée du site de la Masserrienne ou du bassin carolo-massérien. Même chose pour le bois, qui proviendra de filières locales. Nous comptons également utiliser des briques et des pavés issus de la déconstruction. Autre transformation attendue, l'aménagement de vastes surfaces végétalisées entre les différents bâtiments, les sols de la Masserrienne étant actuellement artificialisés et donc imperméables. Des toitures végétalisées sont également prévues. Enfin, côté alimentation énergétique, la future Masserrienne pourra s'appuyer sur ses propres panneaux solaires, sur une turbine hydroélectrique et sur le réseau de chaleur aménagé par la ville et qui couvre désormais aussi bien Mézières que Charleville. Équipements sportifs. Sedan, centre aquatique, période scolaire, petit déjeuner offert dimanche 26 janvier entre 9h et 12h. Nuit de la SNS, samedi 1er février de 18h30 à minuit, organisation SNS. Après-midi récréative, mercredi 19 février de 14h30 à 16h30. Charleville-Mézières, piscine ronde couture, fermée pour travaux jusqu'au 17 mars 2025. Centre aquatique Bernard Albin, période scolaire, soirée sport et bien-être, vendredi 17 janvier de 18h à 22h30, step, aquabox, espace détente. Crêpe party, dimanche 2 février de 9h à 12h30, soirée zen, mardi 11 février de 18h à 22h. Patinoire Elena Isachenko. Période scolaire, soirée blanche, vendredi 10 janvier, de 20h30 à 22h45. Boom Crêpe Party, mercredi 22 janvier, de 14h à 17h15. Petit déjeuner offert, dimanche 19 janvier, de 9h à 12h. Compétition CMSG, samedi 8 et dimanche 9 février, sélection championnat de France. Boom Party, mercredi 12 février, de 14h à 17h30. Soirée Saint-Valentin, vendredi 14 février, de 20h30 à 23h45. Pour plus d'informations, équipementludique.ardennes-métropole.fr, billetterie, billetterie.ardennes-métropole.fr. Médiathèque, séance en cours, mercredi 15 janvier 19h30, voyelle Charleville-Mézières, ado-adulte, avec la pellicule ensorcelée. Tournoi jeux vidéo, samedi 18 janvier à 14h, Dragon Ball FighterZ, Jedelo Sedan, Mario Kart 8, voyelle et ronde couture Charleville-Mézières. Séminaire, vendredi 24 janvier, 15h, voyelle Charleville-Mézières, design et mise en texte par B. Prévost et A. Van Ogarden, adulte. Les mots du mardi, mardi 4 février, 19h, G. Delors-Sedan, carte blanche à Fred Poujard en partenariat avec la MJC Calonne. Dans le cadre des Nuits de la Lecture, atelier enluminure avec Martine Saussure-Young dès 15 ans, vendredi 24 janvier, 17h, voyelle Charleville-Mézières, samedi 25 janvier, 17h, G. Delors-Sedan. Veillez compter, G. Delors-Sedan, par C. Ménoncin, samedi 25 janvier, 18h30, Neuton et compagnie, débutant, 19h30, la naissance de Moji, adulte. Pour plus d'informations, médiathèque.ardennes-métropole.fr. Sur inscription, réservation. Conservatoire, masterclass chant avec Clément Debieuvre, lundi 13 janvier, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 21h30, Charleville-Mézières, Conservatoire Auditorium. Apéritif musical. Jeudi 16 janvier, 19h15, Charleville-Mézières, foyer du TCM, un voyage musical dans l'espace. Spectacle Cendrillon, mercredi 22 janvier, 20h, Sedan, amphithéâtre Pierre Médens France, sur réservation. Conte musical Les Quatre Fils Aimons, samedi 25 janvier, 16h, Sedan Châteaufort, Galerie des Antiques, corps piano au bois. Concert dimanche 26 janvier, 15h30, Charleville-Mézières, Conservatoire, Auditorium, trombone Guillaume Côté du Moulin. Concert des professeurs, samedi 1er février, 18h30, Sedan, amphithéâtre Pierre Ménès France. Récital, dimanche 2 février, 16h, Charleville-Mézières, Conservatoire Auditorium, flûte traversière. Audition Sedan, amphithéâtre Pierre Ménès France, samedi 18 janvier, 15h, clavier, mercredi 5 février, 18h30, piano. Audition à la carte, mercredi 22 janvier, 29 janvier, 5 février, 18h, Charleville-Mézières, Conservatoire Auditorium, patchwork musical. Pour plus d'informations, ardennes-métropole.fr ou 03 24 32 40 56. Entre petits et grands, parade satinée, mardi 14 janvier 18h30, compagnie Insomnie Art, Sedan MJC Calonne, danse hip-hop dès 5 ans. Les souliers mouillés, mardi 21 janvier 18h30, Sabrina Chezeau, Sedan MJC Calonne, récit dès 7 ans. Les graines oubliées, samedi 1er février, 15h, Lady Like Lily, Charleville-Mézières, théâtre, ombre et musique, dès 5 ans. Les enfants qui ont des parents sont-ils toujours sages, dimanche 2 février, 10h30, compagnie Accord Bouillon, Sedan, MJC Calonne, conte musical, dès 4 ans. Héritage, Didi Chaussette, dimanche 2 février, 15h, Trafix Musique, Charleville-Mézières, théâtre, spectacle, dance floor, dès 7 ans. Pour plus d'informations, ardennes-métropole.fr, mjc-calonne.fr.